1, 2, 3. Ah, ça y est, c'est revenu. Est-ce que vous m'entendez, vous? Attends, je vais mettre en mono, là. Mono. 1, 2, 3. Ah, voilà, c'est mieux, là. Est-ce que Jean-Jacques, tu m'entends? Parce que oui. J'ai un petit souci, là. Voilà. Donc, tu vas dans Préférences, Audio, tu choisis ASIO 4. Tu choisis bien ton pilote ASIO 4. Et normalement, ça doit fonctionner. Ensuite, dans ta table de mixage qui est à gauche, là, en bas, il y a une petite flèche qui te permet de sélectionner mono, stéréo, midi ou pas d'entrée. Et là, tu choisis mono pour faire, pour mettre ton casque. Et ça devrait, tu devrais avoir du son après. Je sais pas si tu m'as entendu. Ah, tu as une table de mixage à gauche. Et là, il y a marqué en bas. En bas, il y a un petit haut-parleur là. Jean-Jacques. Et au-dessus du haut-parleur, mono. Tu peux choisir. Oublie la cam pour le moment. Ah, déjà, parce qu'en plus, ça perturbe le. Si je m'entends, c'est bien. La bande passante. Ah, t'as une table de mixage à gauche. Et là, il y a marqué. Essaye de lire ce qu'on t'écrit. En bas, il y a un petit haut-parleur là. Et au-dessus du haut-parleur, tu peux choisir. Déjà, Jean-Jacques, si on entend, c'est que c'est bon, c'est qu'il a si le son. Si on entend, c'est bien. Il te manque plus que le son pour ton casque, micro-casque. Ah, mets ton micro-casque, branche ton micro-casque dans l'ordinateur. Il faut absolument brancher un casque, sinon tu pourras pas. Déjà, Jean-Jacques, tu branches ton micro-casque. Il te manque plus que le son pour ton casque, micro-casque. Mets ton micro-casque, branche ton micro-casque dans l'ordinateur. Il faut absolument brancher un casque, sinon... Fais voir le branchement, comment c'est fait. Il faut que tu branches ton micro-casque. Voilà, est-ce que tu peux faire voir le branchement? Et que tu mettes sur tes oreilles. Je me rappelle avoir eu cette conversation avec toi, Sharon. Il me semble. Ah, je crois qu'il a presque trouvé, Gigi. Jean-Jacques Goldman a presque trouvé. Et fais voir le branchement. On a le retour, oui. Voilà, est-ce que tu peux faire voir le branchement? Voilà. Je me rappelle avoir eu cette conversation avec toi, Sharon. Voilà, sur le côté, impeccable. Tu mets sur le côté. Ah, je crois qu'il a presque trouvé. J'ai entendu que tu avais branché. Jean-Jacques Goldman a presque trouvé. On a le retour, oui. Là. Voilà. Et là. Tu vois. Voilà, sur le côté, impeccable. Tu mets sur le côté. Ah, j'ai entendu que tu avais branché. Là. Maintenant, il va falloir que tu règles bien en bas sur ta table de mixage à gauche. Il y a marqué, tu choisis l'entrée là. Sur ta table de mixage, il y a marqué transmission. D'abord, tu cliques sur transmission. Il faut que ça soit en vert. Et juste au-dessus de transmission, il y a un petit haut-parleur. Et juste au-dessus, il y a un petit rectangle. Maintenant, et c'est là que tu vas choisir. Bien en bas sur ta table de mixage à gauche. C'est là que tu fais ton réglage. Tu cliques dessus et tu regardes ce qu'on te propose. Tu choisis l'entrée là. Sur ta table de mixage, tu vas trouver la carte son de ton ordinateur portable. D'abord, tu choisirais canal gauche ou droite. Au-dessus de transmission, il y a un petit haut-parleur. Et juste au-dessus, il y a un petit rectangle. Et c'est là que tu vas choisir. C'est là que tu fais ton réglage. Tu cliques dessus et tu regardes ce qu'on te propose. Bon courage. Et tu vas trouver la carte son de ton ordinateur portable. Oui, tu choisirais canal gauche ou droite. C'est pas grave, on s'y habitue. Alors. Est-ce que tu entends le son dans ton casque? Non, on est en train de faire un réglage avec Jean-Jacques. Bonjour, Divaï. Ah, il y a un petit changement là. En fait, c'est là, hein, tu as presque trouvé le réglage. Il faut bien que tu ailles dans Préférences, que tu vérifies ta préférence avec Audio. Si, les soucis, ça peut être dans Préférences audio, bien vérifier sur audio si tu as bien mis la carte son. C'est bon, tu nous entends dans le casque là ? Voilà. Et si Préférences c'est bien réglé, après, il faut que tu ailles dans la table de mixage en bas au-dessus du carré transmission. Il faut que ça soit en vert, il y a un haut-parleur. Et au-dessus, tu as. Jean-Jacques, il faut que tu mettes le casque, sinon tu vas tout bousiller dans le jam. Il a un casque. Il y en a un, mais ça se voit. Il n'y a plus la caméra. Rico, on a un retour chez toi aussi. Vous m'entendez ? Rico, on a un retour chez toi aussi. Et moi, j'ai pas de casque. Oui, j'entends quelqu'un qui parle. Rico ? Oui. Putain, je me suis oui, entendu. Oui, on t'entend. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Oui. À force de dire oui, oui, mon téléphone, il m'a mis... Oui, oui, le... Moins forte, là. C'est Sharon. Voilà. Moins fort, Sharon. Je vais baisser Sharon. C'est Sharon. Mais non, je suis trop près du micro. Attends. En fait, je sais même pas comment baisser le moi, micro, je suis désolée. Qui naze. Hein. Attends. Attends. Il est où le câble ? Ah, c'est là. C'est bon. Non, j'ai mais trouvé. En fait, on peut baisser le son pour le micro qui naze. Chacun de notre côté, les voix. C'est mieux là. Il suffit de. Jean-Jacques est en train d'essayer de comprendre comment ouais, on peut régler pour bien. Avoir du son. Donc je répète, je lui ai expliqué qu'il fallait dans préférence de Jam. Il est Rico, sur Jam Taba. Tu es pas Bebop par juste hasard. Juste sur Jam Taba. D'accord. Bebop. Bon, j'ai baissé mon micro, j'ai trouvé. C'est OK pour vous ? Il faut que j'arrête de crier. C'est l'excitation. Ouais, c'est bon. Ouais, je sais voilà. Bien, je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Rico, je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Je n'en ai pas la moindre idée, mais si nous y sommes, eh bien je dois vous dire que d'une part, il y a pour le début de cette année 1966 par contre, un gigantesque embouteillage dans la Concorde. Il y a des coups de d'avertisseurs de partout, de fort charmants. téléspectateurs, je pense, qui sont autour de nous. Seulement. Et Rico, mets un casque. Ouais, bon. Voilà. Rebondis là, ils partent pieusement en pèlerinage à Rome. Messieurs, attention, le voyage va être fort long pour atteindre le dôme de Saint-Pierre, contre, où ils apportent en offrande les bonbonnes de ses excellents vins de Corbière et du Minervois. Les... Messieurs, Ilux, trois Ilux, trois Ilux, Jean-Jacques, le jeu est parti, Léon, le jeu est parti, Léon, tout à l'heure, nous revenons à Monsieur Vibron, je viens d'être blessé. À part un gilet de Marseille, je vous passe le film. Alors, allô, Guy, je vous demande infiniment pardon, Guy. Oui. Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire, on va essayer d'y parer. Par conséquent, nous allons improviser, mais malheureusement, je n'ai plus tout à fait tous mes moyens. C'est comme ça. On m'a cassé mes lunettes. Jean-Jacques, on m'a cassé mes lunettes. Le jeu est parti, Léon, tout à l'heure. On m'a cassé mes lunettes, Jean-Jacques. Guilux. Guilux. Guilux. Je vous passe le micro. Alors nous allons. Guilux. Je vous demande un Guilux. Ah, excusez-moi, mais ça m'a inspiré, Guilux. On a besoin de rigoler un peu avec cette situation. Ah, j'entends la guitare. Jean-Jacques, est-ce que tu t'en sors, Jean-Jacques ? Donc, Jean-Jacques, je te répète, faut que tu ailles dans préférence et tu vas dans audio. Préférence. On va casser mes lunettes, Jean-Jacques ! Comment sortir ? Guilux ! Guilux ! Guilux ! Comment sortir ? Guilux ! Jean-Jacques, excusez-moi, mais ça m'a inspiré, Guilux. Jean-Jacques. On a besoin Jean-Jacques, de jouer un peu, il faut que tu ailles dans préférence. Tu vas dans audio. Et tu. Jean-Jacques, tu regardes les entrées. Est-ce que t'as bien l'entrée de ton casque ? je peux pas faire mieux. Hein. Je te souhaite bon courage, Jean-Jacques. Donc, Jean-Jacques, je te répète, faut que tu ailles dans préférence. Et tac, bug. Donc, je repars sur. Jean-Jacques, Jean-Jacques. Il est toujours dans le truc. Yes, devil. Gigi is a new ninjama. We helped him to try to fix Jamtaba. Ok, let's go, Charm now. Ah non, reste maintenant que ça commence. Ah, mais Jean-Jacques a réussi à brancher sa basse. Bravo, bah bravo, super. Maintenant, ne touche plus à rien. Par contre, il y a autre chose qu'il va falloir qu'on t'apprenne. Maintenant que tu as réussi à envoyer du son, c'est quand on joue, tu vois... Devant toi, t'as BPI, BPM, etc. Avec le BPI qui tourne. Tu vois ça? Oui, non? Ok. Donc lorsqu'on joue, il faut toujours commencer à 1. Bon là, il est un peu miséreux parce qu'il est à 4. Mais regarde, je vais le passer à 16. Du coup, il faut cliquer sur « Vote ». Donc maintenant, tu vois, quand tu arrives à 1, tu commences à jouer pour que tu sois toujours en mesure avec nous. Bon, je suppose que tu joues de la basse depuis longtemps, donc tu sais tout ça, comment te caler. Mais ici, c'est impératif que tout le monde démarre à 1, parce que sinon, il y a un décalage. Tu peux changer le BPI, le BPM. Donc les mesures. Bah là, on est à 16 sur 90. Mais après, ça dépend ce qu'on joue. Ou ce que les gens choisissent en fonction du morceau qu'ils veulent jouer. Le japonais nous a mis du 120, ça veut dire qu'il va jouer. Ça peut arriver. At home. Okay, let's go. clip ou je clip pas? Je clip ou je clip pas? Je clip ou je clip pas? Get it away. part, ça part, ça part. Thank you. Changer, sans le secours. Jean-Michel Jarre, sort de secours. lyrics. We'll be right back. un tout petit délai dans la batterie. Just a little delay on the... Bye.